parle pas ça. Dis pas ça. En fait, ça enregistre que je joue là. Enfin, là, j'ai coupé. Ça enregistre que je joue parce que je joue avec eux sur la. Tout à l'heure, c'était génial. Il met nouveaux messages, c'est pas. Et franchement, c'est vraiment génial ce truc. Thank you.